Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Qui commence vers 10h ce soir. D'habitude on commence vers 21h ici, et on dure jusqu'à 23h. C'est triste ici, personne, je suis tout seul, seul, seul. Thank you. Thank you. sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Téléphone de la radio, le 05 61 53 36 95. Adresse, le 40 rue Alfred Duméril au 31400 Toulouse. Un site web, le www.canalsud.net. À ceux qui objecteraient que nombre de femmes ont rompu aujourd'hui avec les normes et les formes traditionnelles de la retenue et qui verraient dans la place qu'elles font à l'exhibition contrôlée du corps un indice de libération, il suffit d'indiquer que cet usage du corps propre reste très évidemment subordonné au point de vue masculin, comme on le voit bien dans l'usage que la publicité fait de la femme encore aujourd'hui en France après un demi-siècle de féminisme. Le corps féminin, à la fois offert et refusé, manifeste la disponibilité symbolique qui, comme nombre de travaux féministes l'ont montré, convient à la femme, combinaison d'un pouvoir d'attraction et de séduction connu et reconnu de tous, hommes ou femmes, et propre à faire honneur aux hommes dont elle dépend ou auxquels elle est liée, et d'un devoir de refus sélectif qui ajoute à l'effet de consommation ostentatoire le prix de l'exclusivité. De l'ordre social et plus précisément les rapports sociaux de domination et d'exploitation qui sont institués entre les genres s'inscrivent ainsi progressivement dans deux classes d'habitus différents sous la forme d'exigences corporelles opposées et complémentaires et de principes de vision et de division qui conduisent toutes les choses du monde et toutes les pratiques selon des distinctions réductibles à l'opposition entre le masculin et le féminin. Il appartient aux hommes, situés du côté de l'extérieur, de l'officiel, du public, du droit, du sec, du haut, du discontinu, d'accomplir tous les actes à la fois brefs, périlleux et spectaculaires qui, comme l'égorgement du bœuf, le labour ou la moisson, sans parler du meurtre ou de la guerre, marquent des ruptures dans le cours ordinaire de la vie. Au contraire, les femmes étant situées du côté de l'intérieur, de l'humide, du bas, du courbe et du continu, se voient attribuer tous les travaux domestiques, c'est-à-dire privés et cachés, voire invisibles ou honteux, comme le soin des enfants et des animaux, ainsi que tous les travaux extérieurs qui leur sont impartis par la raison mythique, c'est-à-dire ceux qui ont trait à l'eau, à l'herbe, au vert, comme le sarclage et le jardinage, au lait, au bois, et tout spécialement les plus sales, les plus monotones et les plus humbles. Fini dans lequel elles sont cantonnées, l'espace villageois, la maison, le langage, les outils enferment les mêmes rappels à l'ordre silencieux. Les femmes ne peuvent que devenir ce qu'elles sont selon la raison mythique, confirmant ainsi, et d'abord à leurs propres yeux, qu'elles sont naturellement vouées au bas, au tordu, au petit, au mesquin, au futile, etc. Elles sont condamnées à donner à chaque instant les apparences d'un fondement naturel à l'identité minorée qui leur est socialement assignée. C'est à elle qu'incombe la tâche longue, ingrate et minutieuse de ramasser à même le sol les olives ou les brindilles de bois que les hommes armés de la gaule ou de la hache ont fait tomber. Ce sont elles qui, déléguées aux préoccupations vulgaires de la gestion quotidienne de l'économie domestique, semblent se complaire aux mesquineries du calcul, de l'échéance et de l'intérêt que l'homme d'honneur se doit d'ignorer. J'ai ainsi le souvenir que dans mon enfance, les hommes voisins et amis qui avaient tué le cochon le matin dans un bref déploiement toujours un peu ostentatoire de violence, cri de l'animal qui s'enfuit, grand couteau sans verser, etc., restaient pendant tout l'après-midi et parfois jusqu'au lendemain à battre tranquillement les cartes, à peine interrompues pour soulever un chaudron trop lourd, pendant que les femmes de la maison s'affairaient de tous côtés pour préparer les boudins, les saucisses, les saucissons et les pâtés. Les hommes et les femmes elles-mêmes ne peuvent qu'ignorer que c'est la logique du rapport de domination qui parvient à imposer et inculquer aux femmes, au même titre que les vertus que la morale leur enjoint, toutes les propriétés négatives que la vision dominante impute à leur nature, comme la ruse ou, pour prendre un trait plus favorable, l'intuition. « forme particulière de la lucidité spéciale des dominées, ce que l'on appelle l'intuition féminine, et dans notre univers même inséparable de la soumission objective et subjective qui encourage ou contraint à l'attention et aux attentions, à la surveillance et à la vigilance nécessaires pour devancer les désirs ou pressentir les désagréments. Beaucoup de recherches ont mis en évidence la perspicacité particulière des dominées, notamment des femmes, et tout spécialement des femmes doublement ou triplement dominées, comme les femmes de ménage noires, évoquées par Judith Rollins dans Between Women. Plus sensibles aux indices non-verbaux, le ton notamment, que les hommes. Les femmes savent mieux identifier une émotion représentée non-verbalement et déchiffrer l'implicite d'un dialogue. Selon une enquête menée par deux chercheurs hollandais, elles sont capables de parler de leur mari avec beaucoup de détails, tandis que les hommes ne peuvent décrire leur femme qu'au travers de stéréotypes très généraux, valables pour les femmes en général. Les mêmes auteurs suggèrent que les homosexuels, qui ayant été nécessairement élevés comme hétérosexuels, ont intériorisé le point de vue dominant, peuvent prendre ce point de vue sur eux-mêmes, ce qui les voue à une sorte de discordance cognitive et évaluative propre à contribuer à leur clairvoyance spéciale, et qu'ils comprennent mieux le point de vue des dominants que ces derniers ne peuvent comprendre le leur. Étant symboliquement vouées à la résignation et à la discrétion, les femmes ne peuvent exercer quelque pouvoir qu'en retournant contre le fort sa propre force ou en acceptant de s'effacer, et en tout cas de dénier un pouvoir qu'elles ne peuvent exercer que par procuration, en éminence grise. Mais selon la loi énoncée par Lucien Bianco à propos de résistance paysanne en Chine, les armes du faible sont toujours de faibles armes. Les stratégies symboliques même que les femmes emploient contre les hommes, comme celle de la magie, restent dominées, puisque l'appareil de symboles et d'opérateurs mythiques qu'elles mettent en œuvre, ou les fins qu'elles poursuivent, comme l'amour ou l'impuissance de l'homme aimé ou haï, trouvent leurs principes dans la vision androcentrique au nom de laquelle elles sont dominées. Insuffisantes pour subvertir réellement le rapport de domination, elles ont pour effet au moins de donner des confirmations à la représentation dominante des femmes comme être maléfique, dont l'identité, toute négative, est constituée essentiellement d'interdits, bien fait pour produire autant d'occasions de transgression. C'est le cas notamment de toutes les formes de violence douce, presque invisibles parfois, que les femmes opposent à la violence physique ou symbolique exercée sur elles par les hommes, depuis la magie, la ruse, le mensonge ou la passivité, dans l'acte sexuel notamment, jusqu'à l'amour possessif des possédés, celui de la mère méditerranéenne ou de l'épouse maternelle qui victimise et culpabilise en se victimisant et en offrant l'infinité de son dévouement et de sa souffrance, muette, en don sans contre-don possible ou en dette inexpiable. Les femmes sont ainsi condamnées à apporter, quoi qu'elles fassent, la preuve de leur magnanimité et à justifier en retour les interdits et le préjugé qui leur assigne une essence magnifique, selon la logique proprement tragique qui veut que la réalité sociale que produit la domination vienne souvent confirmer la représentation dont elles se réclament pour s'exercer et se justifier. La vision androcentrique est ainsi continuellement légitimée par les pratiques mêmes qu'elle détermine, du fait que leurs dispositions sont le produit de l'incorporation du préjugé défavorable contre le féminin qui est institué dans l'ordre des choses. Les femmes ne peuvent que confirmer constamment ce préjugé. Cette logique est celle de la malédiction au sens fort de self-fulfilling prophecy, pessimiste, appelant sa propre vérification et faisant advenir ce qu'est le pronostique. Elle est à l'œuvre quotidiennement dans nombre d'échanges entre les sexes. Les mêmes dispositions qui inclinent les hommes à abandonner aux femmes les tâches inférieures et les démarches ingrates et mesquines, telles que dans nos univers, demander les prix, vérifier les factures, solliciter un rabais. Bref, à se débarrasser de toutes les conduites peu compatibles avec l'idée qu'ils se font de leur dignité, les portent aussi à leur reprocher leur étroitesse d'esprit ou leur mesquinerie terre à terre, voire à les blâmer si elles échouent dans les entreprises dont ils leur ont laissé la charge, sans pour autant consentir à porter à leur crédit la réussite éventuelle. We'll be right back. Thank you. Nuisance, nuisance, émission qui nuit au sens. Et pour ce faire, Nuisance va arrêter. Pourquoi Nuisance va arrêter? Parce que ça nuit.